Buenas tardes, Kerim. ¿Cómo vas-tu? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí la Liga Española se présente de manière très, très intéressante pour ces dernières journées avant la fin. Donc on est à 6 journées avant la fin du championnat. On a vu un Real de Madrid hier qui a réussi à se remettre à 3 points du Barcelone, à réduire l'écart à 3 points, et qui met donc la pression sur le Barça, qui doit gagner ce soir sur le terrain du Malaga. Ouais, exactement. Alors hier justement, le Real a battu Villarreal. C'était un match important pour le Real, vu que Villarreal n'est pas rien, hein, c'est le troisième du classement. Bah écoute, c'est la deuxième équipe la plus compliquée après le Barcelone. C'est l'équipe vraiment en forme de cette deuxième moitié du championnat. C'est une équipe qui occupe actuellement la quatrième place. Et bon, elle est quand même à 8 points du Real de Madrid. Mais bon, c'est la grosse équipe en forme. Donc c'était un deuxième test après le Barcelone pour le Real de Madrid. Bon, la tâche était un peu plus facile vu que le match se déroulait au Bernabéu. Mais ça a été un match très compliqué. Le Villarreal a devancé le Real Madrid avec un 1-0 à la première mi-temps. Et ensuite, on a vu un grand Real de Madrid en deuxième mi-temps qui a réussi à marquer 2 fois. Une première fois, a pris un exploit personnel de Zidane qui a ouvert sur Ronaldo, qui a marqué de la tête et qui confirme le retour en forme de Ronaldo. Et un deuxième but sur une passe de Ronaldo, un but de Michel Salgado qui n'a pas l'habitude de marquer vu qu'il est défenseur et qui a permis de donner la victoire au Real de Madrid qui souffle et qui attend une contre-performance du Barcelone ce soir. Bon, le Barcelone reste le grand favori, mais bon, c'est un peu plus de pression sur l'équipe catalane. Et donc, ça remet vraiment les deux équipes en compétition pour le titre. Et le Real Madrid s'est affirmé comme prétendant au titre hier soir. Et bien qu'on n'a pas vu un grand Real de Madrid au niveau du jeu collectif, mais on a vu un Real de Madrid avec la rage de vaincre et qui a réussi à faire un exploit. Ça a été vraiment hier soir une grande soirée de football au Bernabéu. Et on attend, et donc le Real de Madrid attend le Barcelone au tournant, qui a son avion entre les mains quand même. Hein. C'est une position assez confortable pour le Barcelone. Ouais, les joueurs du Real Madrid et les dirigeants et l'entraîneur doivent quelque part regretter tous les points laissés au passage au cours de cette saison, où ils n'ont pas pu justement sortir le meilleur d'eux-mêmes comme ils ont pu le faire hier. Hein. Bon, quand même, il faut aussi avoir présent à l'esprit que le Real de Madrid a eu 3 entraîneurs cette année. Ça a été quand même une saison très instable pour le Real de Madrid, avec la presse qui était vraiment qui attendait cette équipe au tournant. Une équipe qui a été faite pour gagner, donc à chaque fois qu'ils ont perdu, c'était une crise ouverte au sein du Real de Madrid. Effectivement, le Real de Madrid a vraiment perdu beaucoup d'opportunités pour être un peu plus près du Barcelone en fin de saison, notamment un match contre le Getafe qu'ils ont joué il y a un peu moins d'un mois, qu'ils ont perdu sur le terrain du Getafe et qui est une équipe de milieu de tableau qui n'est pas vraiment un prétendant à quoi que ce soit. Et aussi un autre match qu'ils ont perdu au Bernabéu contre l'Athletic de Bilbao, qui a fait très très mal. Donc en général, c'est contre des petites équipes que se gagnent ou se perdent des championnats ici en Espagne. Mais bon, la soirée d'hier a permis quand même de voir un Real de Madrid qui finit sa saison un peu mieux que la fin de la saison de l'année dernière, qui montre quand même un peu plus de rage de vaincre, un peu plus de présence sur le terrain. Bon, hier, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Surtout le Figo n'a pas joué, donc c'est la troisième partie de suite que Figo n'est pas rentrant, qu'il est sur le banc des remplaçants. Et j'ai déjà lu quelque part, hein, on parle déjà de Figo au Portugal l'année prochaine. On parle de Figo un peu partout en fait, sauf ouais. Au Real de Madrid. Ouais. Ouais. Bon. On parle de Figo à Dubaï, on parle de Figo à Chelsea. Dubaï. Oui, on parle de Figo à Dubaï. Apparemment, il est prévu qu'il fasse un voyage à Dubaï dans quelques temps. Donc, vu qu'il est en fin de carrière, il donne un peu plus priorité à son portefeuille plutôt qu'au football. Figo qui a J'ouvre une parenthèse, hein, égalisation oui. du CRAM sur le terrain du CAB, 3 buts partout. On continue. Donc voilà, je disais uniquement que Figo a donné une conférence de presse cette semaine qui a fait couler beaucoup d'encre ici. Il a donc exprimé son agacement d'être remplaçant, de ne pas être prévenu s'il allait jouer ou pas, le match suivant. Donc voilà, donc il a voulu faire savoir à la directive du Real de Madrid qui comptait continuer dans ce club et qui voulait savoir exactement quel allait être son rôle et que si c'était d'être sur le banc des remplaçants, ben qu'il irait voir autre part. Ouais. Donc autre nouvelle de la soirée, c'est Zidane Zidane qui est en baisse de forme là ces derniers temps, qui n'est pas en train de montrer un grand football, mais bon, qui est toujours là au moment où il faut. Donc c'est lui qui a permis la première ouverture de score. Par contre, Zidane hier c'était aussi le héros du soir, parce qu'il y avait 15 caméras qui étaient braquées sur Zidane. Donc c'est un projet cinématographique des États-Unis qui utilise de nouvelles méthodes de caméras. Et donc voilà, ils ont pris Zidane comme cobaye. Donc hier, il y avait 15 caméras autour du terrain qui scrutaient chaque petit mouvement de Zidane. Donc on va peut-être avoir Zidane en DVD contre le Villarreal bientôt sur le marché. Attends, ne me dis pas qu'il était bourré de capteurs, Zidane. Il était bourré de capteurs, Zidane. Non, il était pas bourré de capteurs. Il était bourré de caméras qui était braqué sur lui. Bon, Zidane qui a fait un match moyen, qui a fait deux trois jolis mouvements, mais surtout qui a écopé d'un carton rouge en fin de partie. On sait que Zidane c'est un grand joueur, mais de temps en temps il a les nerfs qui lâchent. Donc hier ses nerfs ont lâché sur un moment de la partie sans importance. C'était à la 96e minute, le match était sur le point d'être terminé, et voilà, une petite altercation avec un joueur du Villarreal, et voilà, il est dehors, donc il va pas jouer la semaine prochaine pour un match qui va être compliqué, parce qu'ils doivent aller au Pays Basque jouer contre la Real Sociedad, qui est une équipe cette année qui est pas très en forme, mais bon, qui est toujours compliqué à jouer chez elle. Ouais. Zidane, et pourtant c'est un pro. En plus de ça, il prend un carton rouge juste au moment où il y a 15 caméras qui sont braquées sur lui. Non mais voilà. Attends, je crois que ça doit certainement être écrit dans le scénario, ce truc, tu vois. Voilà, ça doit être ça. En attendant Zidane 2, le retour. Exactement, ouais. Bien, alors les matchs du jour là. Donc alors hier, à part le Real Madrid-Villarreal, on a eu un Osasuna Atlético de Madrid. Donc l'Osasuna qui recevait le club madrilène et qui s'est imposé sur son terrain 1-0, ce qui éloigne l'Atlético de ses prétentions européennes. Depuis 4 heures de l'après-midi, heure tunisienne, il y a plusieurs matchs qui ont commencé. Donc Numancia qui reçoit le Mallorca, ils sont à 0-0 au début de la deuxième période. L'Espagnol, l'équipe aussi prétendante au poste européen, qui reçoit le Saragosse. Pour l'instant, l'Espagnol gagne 2-0. Le Deportivo de la Corogne qui confirme sa bonne fin de saison et qui gagne contre le Racing de Santander 1-0 pour le moment. Le Betis de Séville qui reçoit la Real Sociedad. Donc le Betis mène 2-1 en début de deuxième période. Le Getafe de Madrid qui reçoit le Levante de Valence qui gagne 1-0 le Getafe. Le Valence qui reçoit l'Albacete. Le score est à 0-0 pour l'instant. Et donc à partir de 6 heures de l'après-midi, le deuxième grand match de la soirée, Malaga qui reçoit Barcelone, donc tout le monde va être braqué sur ce match. Et la journée se termine à 8 heures du soir, l'Athletic de Bilbao qui reçoit Sevilla, donc le nord contre le sud dans cette partie qui n'a pas beaucoup d'intérêt, à part pour le Sevilla qui espère confirmer sa place en Champions League pour la fin de la saison. Ouais, exactement. Très bien, bah écoute, tous, je crois qu'on va espérer une défaite de Barcelone pour qu'il y ait un peu plus de suspense pour cette fin de saison, hein. Une défaite ou un match nul. Ouais. Parce que bon, une défaite de Barcelone, ça fait 3 points entre Barcelone et Real Madrid. Donc à ce moment-là, ça risque d'être chaud. Ça risque d'être chaud. On espère pour le Barcelone qu'il gagne, parce que c'est vraiment eux qui ont fait du football, qui ont montré le meilleur football cette année pendant la Liga. Mais comme ça, pour avoir un peu de piquant, ça ferait du bien à la Liga de finir avec ce suspense. Ouais, un peu de chorizo sur la fin du championnat espagnol. Voilà, on mangera de la paella. Exactement. Merci beaucoup, Skander. Bonne soirée, Kerim. Au revoir. Bonsoir à tous.